Chapitre 3e, la femme propose et Dieu dispose. Dans cette soirée où la marquise Onesta Giustiniani dirigeait contre le cœur de Michel Gritti une attaque dont le succès répondait mal à son attente, elle obtenait d'un autre côté un triomphe que sans doute elle ne soupçonnait pas. Comme Luca et Don José, revenant de chez cette dame, montaient silencieusement l'escalier du palais Dolci, Luca, qui avait détaché avec distraction son poignard de sa chaînette d'or, l'ôta brusquement de sa gaine et l'enfonça jusqu'à la garde dans un des blasons de famille qui était appendu à la muraille et qui représentait une abeille piquant une femme au sein. Don José s'arrêta et saisissant la main du jeune homme, « Que veut dire cela ? Vous pensez à cette femme, Dolci ?»« Non, José, non, » répondit Luca, « je flagelle l'orgueil de ma race. » Le lendemain, Don José remarqua une profonde altération sur les traits de son ami. C'était le jour fixé pour leur entrée à San Stefano. Mais, par un accord tacite, les deux jeunes gens parurent avoir différé cette résolution. Tout le jour, Luca évita les regards de Don José et ils ne se parlèrent pas. Le soir seulement, comme ils se promenaient tous deux dans la galerie, Luca s'arrêta tout à coup, chancela sur ses jambes et porta vivement la main à son front. Don José se précipita pour le soutenir. « Luca, lui dit-il, avouez que vous aimez cette femme. »« Voilà une persistance qui est de la folie, José, » répondit Dolci en souriant. « N'avez-vous jamais eu de vertige ?» Et ils se séparèrent pour s'aller coucher. Au milieu de la nuit, Don José fut éveillé en sursaut par une voix qui l'appelait avec angoisse. Il vit Luca Dolci à genoux près de son lit, le regardant d'un œil égaré. Son visage était d'une pâleur effrayante et ses lèvres frissonnaient convulsivement. « Luca, cher Luca !» s'écria Don José, se levant à demi sur son lit. « Qu'avez-vous, bonté du ciel ? Vous êtes malade, dites !»« Malade, non !» répondit Luca d'une voix faible. « Je ne suis pas malade, je suis frappé de Dieu. »« Vous aimez cette femme, Luca, vous l'aimez ?»« Je l'aime, oui, je l'aime, c'est vrai, José, je l'aime. »« Si ce que je souffre est de l'amour. »« Oh, j'ai lutté, croyez-moi. Voilà deux jours. » Long comme des années que je lutte comme Jacob avec l'ange. Et quelle nuit, quelle nuit ! Regardez-moi, José. Je suis bien changé, n'est-ce pas ? Tant mieux, cela prouve que j'ai souffert. Je suis venu vous trouver parce que ma tête s'en allait. Je suis perdu, croyez-moi. Je vous demande une chose, c'est de me laisser. Quittez-moi, quittez cette maison. Quelque chose pèse sur elle et sur moi. Dieu, Dieu, qu'est-ce que j'ai fait pour en venir là ? Vous savez, pauvre José, j'ai été élevé par ma mère, une sainte. J'allais avec elle porter des aumônes. J'ai passé mon enfance à cela, à prier Dieu. J'ai rencontré souvent des femmes que je trouvais belles, car elles ressemblaient aux vierges des églises. Je ne les ai pas aimées, non. Eh bien, j'en vois une qui semble porter tous les vices dans ses yeux. Je la vois une fois, et je l'aime. Plus que tout, plus que Dieu, plus que vous, José. Quittez-moi, laissez-moi ici et... Luca s'interrompit, suffoqué par les sanglots. Il appuya sa tête brûlante sur le lit de Don José et pleura longtemps, amèrement. Ce lendemain, si triste pour les deux pieux enfants, était le jour assigné par la marquise à Michel Gritti pour une nouvelle entrevue. Vers la deuxième heure de l'après-dînée, Gritti entrait dans l'église Sainte-Marie-Formose avec une sorte d'étonnement de se voir en personne dans un pareil lieu. Peu de moments après, une femme de haute taille, enveloppée dans de longs voiles de deuil, entrait par une porte latérale. Elle était suivie d'un moine et de deux valets. En prenant de l'eau bénite, elle fit voir à Michel, d'un geste plein de grâce, ses traits altiers et voluptueux qui lui étaient apparus la veille au soir dans les jardins de la Dolfina. Il s'inclina et attendit, appuyé contre un pilier, que l'étrangère lui apprit d'une façon ou d'une autre quelle suite elle entendait donner à cette rencontre. Car, dans cette église, Michel se sentait dominé par une invincible gaucherie. Un valet déposa sur les dalles un carreau de velours sur lequel la marquise s'agenouilla à une dizaine de pas à droite de Gritti. En même temps, elle lui fit signe de la tête qu'il eût à s'agenouiller de son côté. « Voilà, se dit Michel, un enfantillage qui touche à sa fin, Dieu merci. » Et courbant jusqu'au sol sa fière stature, il posa un genou sur le large bord de son chapeau, tandis qu'avec ce malaise d'un homme d'esprit qui se sent près d'être ridicule, il arrachait un à un les petits penons de son plumet. Quand certaines femmes, plus vaniteuses que tendres, abusent de l'humilité d'une passion naissante, il est rare que l'amoureux qu'elles mortifient sans égard ne cherche pas sa consolation dans ce mot, gros de représailles, patience. Michel Gritif s'occupait déjà de commenter à part lui ce mot vengeur. Quant à un petit bruit sec qui se fit à sa gauche, il détourna machinalement la tête. Un rosaire était tombé sur les dalles à trois pas de lui. À peine Michel eut-il aperçu ce rosaire, qu'il sentit passer dans tous ses membres et glisser dans ses cheveux, ce fluide particulier qui nous traverse quand nous sommes frappés d'une surprise vive et agréable, et qui laisse après lui une sorte d'énervement voluptueux. Gritti avait reconnu d'un coup d'œil que les grains de ce rosaire, découpés à l'oriental, étaient exactement semblables à celui qu'il avait trouvé dans la bourse du pauvre. Le chapelet s'était échappé des mains d'une jeune fille qui priait à genoux sur le marbre blanc d'un tombeau. Gritti l'enveloppa d'un regard rapide, sans qu'elle relevât la tête, sans qu'elle ouvrît ses yeux demi-clos dans l'immobilité de sa fervente prière. Bien que Gritti ne pût voir de sa place que le profil de la jeune fille, il fut ému de la grâce enfantine qui respirait au coin de sa lèvre entr'ouverte pour prier et pour sourire. Ce candide visage, perdu au milieu des boucles sans nombre d'une chevelure blonde et dorée, avait un charme plein de contraste. Il semblait qu'un peu de mutinerie maligne se mêlait à la pureté d'âme et à l'ardeur de foi qui s'y lisait. Ce visage pensait comme une vierge, priait comme un ange et riait comme une femme. À quelques pas derrière la jeune fille se tenait une vieille dame dont la robe noire était semée d'ornements en jais. Cette matrone marmottait son chapelet avec cet air de béatitude intelligente qui caractérise également la routine des dévotes surannées et la digestion des vieillards. Cependant, les yeux de la marquise Onesta avaient suivi ceux de Michel Gritti avec inquiétude. Tout à coup, Michel se leva. Alors, rejetant brusquement en arrière le voile qui couvrait ses traits, elle tendit le cou en avant comme une lionne irritée et se pencha pour ne rien perdre de la mortelle offense qu'elle prévoyait. Michel releva le rosaire et, saluant avec une suprême courtoisie, il le présenta à la jeune fille sans parler. Celle-ci, arrachée à son extase, leva tranquillement sur Gritti ses grands yeux étonnés. Mais à peine eurent-ils rencontré le regard ému et interrogateur du gentilhomme que l'enfant, étendant vivement les bras comme pour chercher un appui et ouvrant ses lèvres pâlies pour bégayer les mots qu'on n'entendit pas, tomba inanimé sur le marbre. « Jésus, mon Dieu !» s'écria la vieille dame. « Giulia, mon enfant ! Giulietta, chère petite ! Quel mal lui a pris, Seigneur, sur la tombe de sa pauvre mère ! Réponds-moi, Giulietta, je t'en prie !»« Hélas, monsieur !» ajouta la vieille dame, se retournant vers Gritti. « Ne pouvez-vous me rendre le service de courir sur le quai ?» « Il y a une gondole à nous, la livrée des Contarini, des gens à nous. »« Pardon, madame, » interrompit Michel Gritti, « mais ce n'est point là un fardeau pour des laquais. Avec votre aimable permission, j'aurai l'honneur de porter la signora jusqu'à sa gondole. » Sans attendre de réponse, il enleva dans ses bras la délicate créature ensevelie dans les flots de sa robe blanche, comme un enfant endormi dans son berceau de gaze et de dentelle. Puis il sortit de l'église précédé par la vieille tante de Giulia. Car cette petite fille était orpheline et n'avait de proche parente que la sœur de son père avec laquelle elle habitait le palais Contarini. La marquise Onesta, qui durant cette scène avait arraché les fermoirs de son missel, attendit vainement pendant quelques minutes le retour de Michel Gritti. Puis elle rentra dans son palais, situé à quelques pas de Sainte-Marie-Formose, et précisément en face du palais de Giulia qui s'élevait sur l'autre rive du canal. Gritti, avant de quitter la gondole où il venait de déposer Giulia toujours évanouie, obtint de la vieille dame la permission de se présenter le lendemain chez elle pour s'y informer de la santé de sa nièce. Puis il se retira, le cœur rempli d'une joie et d'une agitation extraordinaire, et commença par la ville une promenade rapide et sans but. Il marchait le nez au vent, se parlant tout haut et éclatant de rire quand il venait à s'en apercevoir. « C'est clair, » se disait-il, « c'est bien elle. Il n'y a pas au monde de rosaire comme celui-là. » Il a fallu toute la vie d'un derviche pour creuser ses délicates arabesques sur ses grains mignons. Et d'ailleurs, cet évanouissement dès qu'elle m'a vu. Pourtant, comment croire que cette petite fille... Ma foi, tant pis, mais je ne lui donne pas 15 ans et 2 jours. Que cette petite fille rose ? Je la regardais en la portant, et je n'ai point idée d'avoir vu jamais un teint semblable. Que cette petite fille rose soit ma lugubre prêcheuse, qui ne parlait que de mourir sur tous les tons. Si c'était une pure espièglerie. Mais pourquoi se trouver mal en ce cas? Bon, je deviens idiot. Où diable suis-je ici? Tout en se livrant à ces puériles argumentations dont il s'étonnait lui-même, Gritty avait beaucoup marché. La nuit était tombée, et il ne reconnaissait point le quartier d'assez misérable apparence où il se trouvait. Par un sentiment qu'il est assez malaisé de concevoir peut-être, mais certainement très difficile d'exprimer, le jeune homme éprouva de la joie en se voyant dans un pays perdu. L'inconnu lui plaisait au dehors, au moment où il sentait au-dedans de lui une émotion toute nouvelle. Il semble que l'aspect d'objets habituels lui empêchait de se livrer aussi franchement au charme étrange de ses impressions. « Allons, » dit-il, « je suis égaré, tant mieux. » Il s'accouda alors sur un parapet en ruine et s'abandonna à la rêverie avec le bonheur naïf d'un écolier qui est arrivé loin de tout œil magistral par les chemins fleuris de l'école buissonnière. Le ciment qui avait été destiné à unir les pierres du parapet s'en allait par morceaux. Michel prit, avec une grave distraction, un des plus gros fragments, le pétrit un moment dans sa main, puis le laissa tomber au-dessous de lui dans le vide. Presque aussitôt, il entendit un son mat, comme celui que produit une pierre en tombant sur un feutre. « Voilà, » se dit Michel Gritty en riant, car il était dans une de ces dispositions où l'on a le rire facile. « Voilà une eau par ici qui a une sonorité bien particulière. » Et comme tout le monde eut fait à sa place, le roi Michel prit un morceau de ciment deux fois plus gros que le premier et s'appliqua à le laisser choir dans la même direction. Cette seconde épreuve fut couronnée d'un plein succès. Le même son mat se reproduisit avec une intensité double. Mais cette fois, il était accompagné d'un juron capable d'enfoncer une porte. Gritty éclata de rire bruyamment. « Est-ce qu'il y a quelqu'un au bord de l'eau ? » s'écria-t-il. « S'il y a quelqu'un ? » répondit une voix que la colère paraissait étrangler. « S'il y a quelqu'un, je vais monter te le dire. »« Bon, » répliqua Gritty, dont les rires redoublèrent. « Ne voyez-vous pas, inconnu chéri, que c'était une plaisanterie ?»« Une plaisanterie, » reprit la voix qui s'approchait peu à peu. « Ah bon, bravo, une plaisanterie. Je les aime, mon ami, cela se trouve bien. » « Attends-moi là, mon cher bon, par les 1300 000. »« Parbleu, c'est Vespasiano !» s'écria Michel Gritty au moment où la longue silhouette du cavalier apparaissait effectivement en haut des degrés qui conduisaient du quai sur la berge. « Comment, diable, c'est vous, noble Michel ?» dit Vespasiano s'arrêtant court sur la dernière marche. « Moi-même, mais que faisiez-vous donc en bas, mon cher ami ?» Vespasiano parut embarrassé et ne répondit point. « À quel exercice diabolique, reprit Gritty, pouvez-vous vous livrer dans ce quartier sauvage et sur cette plage solitaire ?» Vespasiano semblait être en proie à une confusion ineffable. « Ah ça, voyons, qu'y a-t-il donc ?» continua Gritty. « Est-ce que vous venez de commettre un crime là-dessous ?»« Noble Michel, » répondit enfin Vespasiano, « rassurez-vous, je pêchais. » « Et dans quelle horrible intention ?» dit gaiement Michel. Pour tenter de prendre du poisson. Mais, Messer Michel, qu'est-ce à dire, mon cavalier? C'est-à-dire que je n'ai point soupé. Ah, ça, voyons, Vespasiano, reprit Michel, qui, fort éloigné de soupçonner la cause véritable de l'embarras de son ami, s'en divertissait beaucoup. Voyons, vous me faites marcher de surprise en surprise. Qu'un cavalier flanqué d'une rapière aussi considérable que la vôtre s'éloigne de la société des hommes pour s'adonner à la pêche, cette distraction qui semble réservée aux veuves, cela ne laisse point de m'abasourdir. Mais que par un cumul inouï, vous pêchiez, Vespasiano, et ne soupiez point. Voilà qui me pourfend l'imagination d'outre en outre. Le moment est venu, noble Michel, répliqua Vespasiano avec solennité. Le moment est venu de vous montrer à nu la plaie de ma vie. Sachez, mon ami, que je tire le diable par la queue. Bref, je suis pauvre. « Pas un mot, Michel, ne m'humiliez pas. Ce que je vous dis vous étonne. Peu de paroles vous l'expliqueront. Je suis, vous le savez, au gage de la Sérénissime République comme capitaine. Or, j'emploie à faire le beau joueur chaque quartier de ma pension. Vous avez pu remarquer que je ne joue que tous les mois. Je perds toujours, mais je ne m'en fâche point. estimant à ce prix l'honneur que j'ai de fréquenter votre société. Du reste, cette masure que vous voyez là, au bord du canal, est ma demeure. Maintenant, je souffrirais bien que vous m'offriez à souper pour ce soir. Mais ne reparlons jamais de cela, je vous en prie, Michel. J'en prie votre seigneurie. » Gritti, se sentant ému plus qu'il ne le voulait laisser voir, prit le bras de Vespasiano et lui dit avec une légèreté apparente. « Eh bien, mais c'est l'histoire de tous les gens de guerre, cela, mon capitaine. Il m'en est arrivé tout autant à l'étranger. Mais venez, que je vous conte une énormité. Confidence pour confidence, seulement la vôtre est tout honorable et la mienne, ma foi, j'en rougis. « Sans Dieu, noble Michel, je ne vous crois pas, » dit Vespasiano, à qui la délicate réserve de Gritti avait rendu le courage et la bonne humeur. « Un de ces matins, » reprit Gritti, « je vais probablement me marier. »« Vous mariez ? Que le diable vous emporte ? Votre seigneurie a-t-elle donc trouvé une des 1300 000 ?»« Et... » mais ajouta Vespasiano, s'interrompant lui-même et s'arrêtant tout court, les yeux fixés sur l'angle d'une ruelle qui aboutissait sur le quai à une dizaine de pas devant eux. « Qu'est-ce que cela ? Quel est le païen ? Baissez-vous, baissez-vous vite, Michel !» Et Vespasiano, les bras étendus, se précipita devant Gritti, le couvrant de son corps. Au même instant, un coup de feu partit de la ruelle, et une balle de pistolet vint s'aplatir sur le coltin d'acier du cavalier. Gritti, le voyant chanceler, le saisit dans ses bras. « Laissez-moi, laissez-moi donc, 25 diables, vous m'étouffez, Michel !» cria Vespasiano. « Et le coquin se sauve pendant ce temps-là » Les deux jeunes gens s'élancèrent alors dans la ruelle. « Je le vois !» cria le cavalier. « J'ai vu le coin de son manteau. Mais venez donc, Michel !»« Le voilà sur le quai, là-bas. Il va se jeter dans quelque barque. »« Tenez, cavalier, » dit Gritti, « n'allons pas plus loin, qu'il s'échappe. Je crois que c'est ce qui peut nous arriver de moins embarrassant. Vous connaissez donc le drôle ?»« Je le crois. Mais cette affaire est telle que l'honneur me défend de vous la conter. » « Au fait, » ajouta-t-il en se parlant lui-même, « je ne m'étais pas conduit en galant homme, et si le coup vient d'elle, tant mieux, cela me met à l'aise. » Vespasiano n'insista point, et ils continuèrent leur route. Ils entrèrent dans la première auberge qui se rencontra, et se firent servir à souper. Gritti commença alors le récit de son aventure avec la signora Giulia Contarini et des événements qui l'avaient précédé. Mais il ne dit pas un mot de la marquise. Le cavalier Vespasiano écouta cette histoire avec étonnement et respect, tantôt suivant Razade, tantôt faisant sauter dans sa main la balle dont Sauscol avait été meurtri. Les deux amis ne se séparèrent qu'à une heure très avancée de la nuit. C'était cette même nuit, si l'on veut bien se le rappeler, que Luca Dolci passait à genoux près du lit de Don José, à qui il venait aussi de faire une confidence d'amour.